Conte de l'île Maurice. Conte de tradition orale lu par Sabine pour audiocité.net sous la licence Art Libre. Je dois ce récit à une dame créole de Maurice. Elle m'a assuré que les Bourbonnais passaient pour n'être pas des plus fins et qu'on racontait sur eux beaucoup d'histoires facétieuses analogues à celle-ci. Paul Sébillon. Il y avait une fois des Bourbonnais qui s'étaient réunis pour chasser le cabri. Il y avait longtemps qu'ils en cherchaient sans en découvrir, lorsque l'un d'eux aperçut un beau cabri qui était sur la pointe d'un rocher escarpé et paraissait ne se méfier de rien. Il fit signe aux autres de se taire et, s'avançant avec précaution, il tira sur le cabri. Celui-ci fut atteint mortellement, mais au lieu de tomber sur le rocher et d'y rester, il glissa tout du long et alla tomber dans le fond d'un vallon où il demeura étendu sans mouvement. Comment faire pour l'avoir? Les Bourbonnais étaient bien embarrassés, car l'animal était tombé dans une espèce de gorge dont les côtés étaient escarpés comme murs, et il n'y avait pas moyen d'y descendre. Aller chercher une corde, cela aurait pris du temps. Un des Bourbonnais dit aux autres : Si vous voulez m'en croire, voici comment nous allons nous y prendre. Je resterai en haut et tiendrai avec les mains celui qui descendra le premier, un second le suivra, et un troisième jusqu'à ce qu'on soit arrivé au cabri. » Les chasseurs battirent des mains en entendant cette proposition et ils se mirent en devoir d'exécuter la manœuvre. Le chasseur qui avait parlé le premier s'arc-bouta de son mieux, l'un des compagnons lui prit les mains et se laissa pendre le long du précipice, un autre glissa tout le long de son corps, lui saisit les pieds et se laissa pendre. Il y en avait plusieurs qui étaient ainsi suspendus et ils étaient sur le point de toucher au cabri quand celui qui était en haut s'écria « Camarade, je n'en puis plus, les mains me glissent, je vais lâcher tout. »« Crache dans tes mains, » lui cria l'un des chasseurs, « tu auras plus de force pour te reprendre après. » Le chasseur ouvrit les mains pour cracher dedans et mieux se reprendre. Mais comme vous le pensez bien, les autres qui étaient suspendus dégringolèrent les uns sur les autres. Et je ne sais comment ils firent pour se tirer de là.